Chapitre 21e, les dames de Honeyfair. C'était le samedi soir et les dames de Honeyfair avaient tout le loisir de s'occuper de leurs affaires particulières. L'ouvrage de la semaine avait été rapporté dans les fabriques et le neuf ne devait se commencer que le lundi suivant. Madame Buffle nous avait même informé qu'on ne le commençait pas toujours ce jour-là. Les femmes nettoyaient leurs maisons et raccommodaient leurs habits. D'autres s'abonnaient et repassaient, et n'allaient se coucher que le dimanche matin. Quelques-unes faisaient leur marché, et les plus paresseuses allaient babiller de maison en maison, ou se réunissaient au milieu de la route pour causer plus à l'aise. Vers 8h30, une de ces dernières souleva le loquet d'une porte et passa sa tête dans la cuisine. C'était la femme de Joy Peters. Sa robe était déchirée, sa figure rouge et enluminée. « Notre Betty est-elle par ici, Madame Cartier ?» Madame Cartier était fort occupée. Nous savions déjà qu'elle était la mère de Mademoiselle Betsy. Le feu de la cuisine était éteint, les meubles entassés les uns sur les autres. Elle finissait de frotter la grille de son foyer pour en verser ensuite sur les briques un seau plein d'eau. « Il n'y a pas de Betty par ici, » répondit-elle aigrement. « Je ne puis pas la trouver, » reprit Madame Peters. « Je croyais qu'elle était peut-être avec votre Betsy. » « Dites donc, voici votre homme qui arrive, et Mark Mason, Rambert Matisse et Dale avec lui. Et bonté divine, qu'est-ce que le petit Matisse s'est fait? Il est noir des pieds à la tête. Venez donc voir, Madame Cartier. » Madame Cartier dédaigna l'invitation. C'était une femme travailleuse et économe, mais fort bourrue. Toujours fière de sa propreté et de son aisance, elle se félicitait hautement de ne pas ressembler aux sales ménagères qui l'entouraient. On eût dit le pharisien parmi les péagers. « Si je passais mon temps à regarder, à bavarder, où en serait mon ouvrage ?» répliqua-t-elle. « Fermez la porte, Susan Peters. » Susan Peters fit ce qu'on lui ordonnait. Puis, les poings sur les hanches, elle alla à la rencontre du groupe qu'elle avait distingué à la lueur des réverbères. « Vas-tu te montrer comme un nègre ?» demanda-t-elle au jeune garçon. Celui-ci se mit à rire. Sa figure, ses épaules, ses mains étaient ornées d'un épais liquide noir. Il paraissait aussi enchanté de sa tournure que s'il avait été oint d'une huile parfumée. « Il n'est pas trop mal, n'est-ce pas, Madame Peters ?» remarqua le jeune homme qu'elle avait appelé Robert. « Qu'a-t-il fait ? » demanda-t-elle. « John Brum et lui ont voulu faire un trébuchet, et ils ont renversé le pot à couleur sur eux. Nous les avons déjà frottés, mais sans succès. »« Comme Charlotte va lui frotter le dos !» s'écria Madame Peters. Le jeune garçon lui lança un regard de dédain. « Charlotte n'aime pas tant à me frotter le dos. Elle ne me gronde jamais pour une maladresse. » Robert Matisse et sa sœur Charlotte avaient l'un 17, l'autre 14 ans, quand la seconde femme de leur père était morte en donnant le jour au petit Thomas. Eux seuls savaient la peine qu'il leur avait fallu prendre pour vivre et élever leur petit frère. Mais leur persévérance avait été couronnée de succès. Elle n'y avait pas à en faire de famille plus respectée que la leur. Charlotte, proprette et gentille, était assise près du feu de sa cuisine d'où s'exhalait une odeur savoureuse. Faisait-elle, le samedi soir, un repas plus appétissant que de coutume pour empêcher son frère d'aller au cabaret? La chose était probable. Elle en était récompensée, car Robert ne manquait jamais de rentrer de bonne heure. La nappe était mise, les briques rouges brillaient, et la figure de Charlotte, penchée sur son ouvrage, s'illumina à la vue de son frère, mais un coup d'œil jeté sur le petit garçon la consterna. « Tom, qu'as-tu fait ?»« John Brum m'a laissé tomber le pot à couleur dessus, Charlotte. »« Il n'y a pas grand mal, Charlotte, » fit Robert. « Je m'en vais tout de suite lui nettoyer les cheveux et mettre ses habits dans un seau d'eau. »« Qu'as-tu fait pour souper ce soir? Ça sent bon. » Il ôta le couvercle de la marmite. Charlotte avait fait cuire un morceau de bœuf assaisonné de carottes et la vapeur succulente monta au nez de Robert. Bien peu d'ouvrières de Honeyfair savaient diriger leur ménage aussi bien que Charlotte. Nul ne savait comment elle trouvait le temps de soigner sa maison, et cependant aucune jeune fille ou femme mariée ne cousait autant qu'elle. Ses amis et ceux de ses frères étaient toujours propres et bien raccommodés, la semaine comme le dimanche. Le samedi matin, elle a rapporté son ouvrage à la fabrique et faisait en même temps son marché. L'après-midi, elle nettoyait sa cuisine, et à 4 heures, elle s'installait à son raccommodage. Personne ne la voyait s'agiter, cependant, son ouvrage était toujours fait et bien fait. Peut-être son secret consistait-il en ce qu'elle savait se lever de bonne heure, hiver comme été. « Regarde, Robert, le joli livre que j'ai acheté, dit-elle en lui mettant entre les mains une revue périodique. « On la reçoit toutes les semaines, je m'y abonnerai. » Robert tournait les feuillets. « Cela me paraît très intéressant, » dit-il. « Ah, voici les récits sur la Terre Sainte. Voici des explications sur la manière dont on fait le verre. Je me l'étais souvent demandé. Tu pourras nous le lire ce soir pendant que je travaillerai. Cela nous aidera à instruire Tom. J'ai donné... » Elle s'arrêta. La porte s'ouvrait brusquement et une femme entra. Frapper avant d'entrer était un procédé fort peu en usage à Hornifer. La nouvelle venue était Madame Brum. Dis donc, Robert Matisse, n'avez-vous pas vu mon mari? Je l'ai vu aller à la belle grappe. Je voudrais bien que cette grappe lui restât au cou, dit Madame Brum avec colère. Il avait juré de me rapporter ses gages en sortant de l'atelier. Il sait que je n'ai pas un sou vaillant chez moi, et Madame Buff l'attend son argent. J'ai grande envie d'aller à la belle grappe et de lui tomber dessus. Robert, en cette conjoncture délicate, n'émit pas son avis. Peut-être se souvenait-il que la dernière fois que Madame Brum avait été à la belle grappe tombée sur son mari, il s'en était suivi une querelle nocturne qui avait réveillé tous les dormeurs de Hornifer. Qu'est-ce qui était avec lui? Poursuivit-elle. Trois ou quatre autres, Herbert et Jones, je crois, et Adam Robinson. Charlotte releva brusquement la tête, et une légère rougeur vint dire qu'un de ces noms avait frappé désagréablement son oreille. Où sont vos propres gages, Madame Brum? Demanda-t-elle. J'ai dû aller les porter à Banks, répondit-elle d'un ton bourru. Je leur dois joliment maintenant, ils me font des histoires cette semaine. Ils n'ont pas voulu attendre jusqu'à lundi, ils me menaçaient d'aller y dire à Brum tant que la peur me faisait mal. Et le voilà qui s'en va dans cette satanée belle grappe avec son salaire. Et moi qui n'ai rien, j'ai tout mis en gage, je ne puis rien repasser, mes fers y sont. Charlotte, qui travaillait toujours, se retourna. Je n'y mettrai pas des fers à repasser, ni des objets dont je pourrais avoir besoin. Je sais bien que vous ne le feriez pas, répliqua aigrement Madame Brum. On met ce qu'on peut, et ce que nos maris ne voient pas. C'est bien joli, Charlotte, de vous asseoir là comme une dame et ne jamais mettre le pied chez le prêteur, et d'être là dans votre cuisine bien propre le samedi soir, avec un bon souper, tandis que nous autres, nous nous suçons le sang. Charlotte se mit à rire. Si je voulais faire la dame, j'aurais bien de la peine à y parvenir. Je travaille autant qu'une autre, seulement je fais mon ouvrage au moment voulu. Madame Brum, n'ayant point de réponse à faire, renifla. En cet instant, Tom sortit de la cour où Charlotte l'avait envoyé se frotter. « Dieu du ciel !» s'écria Madame Brum stupéfaite. « John est pire que moi !» fit Tom tout fier d'en avoir tant à dire. Robert expliqua ce qui était arrivé. « Notre John pire que ça » cria-t-elle. « Je m'en vais l'arranger. » « Allons donc, Madame Brum, ce n'est qu'un accident, les garçons sont des garçons. »« Oui, et ce ne sont pas les hommes qui les lavent, et les y nettoient !» cria Madame Brum de plus en plus irritée. « Et moi qui n'ai plus mes fers, et cet animal de Brum qui est dehors !» « Voulez-vous que je vous prête les miens ?» offrit Charlotte. « Je n'en veux pas. Si je n'ai pas les miens, je n'en veux pas emprunter d'autres. Brum demandera demain sa chemise du dimanche, et il ne l'aura pas, ça le punira mieux que toute autre chose. Il n'y a pas un seul ouvrier qui aime autant faire le joli cœur que Brum. »« Tant mieux, » dit Charlotte. « Quand les hommes perdent leur goût pour la propreté, leur conduite s'en ressent. Il faut toujours que vous ayez un mot à dire en faveur des autres. Quand même, ce sont des vauriens, Charlotte, » dit Madame Brum, en fermant violemment la porte après elle. Pendant cette conversation, Timothée Cartier, le mari de Madame Cartier, était rentré dans son logis. La première chose qu'il accueillit fut le seau d'eau. Madame Cartier avait achevé de frotter sa grille et lancer son eau sur le plancher. Timothée la reçut sur les jambes. « Pourquoi me lances-tu ça, Lisbeth ? » demanda Timothée, qui était un petit homme doux et timide. « Pourquoi tu entres si brusquement aussi ? » cria-t-elle. « Qu'est-ce qui pouvait deviner que tu allais arriver ?» Timothée n'était pas rentré brusquement. Il était entré tout doucement. Il restait debout à essuyer ses jambes, d'abord l'une, puis l'autre, puis commençait à aller sur la pointe des pieds près du foyer. « Voyons, à quoi ça sert-il que tu essaies de t'asseoir par là ?» gronda sa femme avec sa mauvaise humeur habituelle. « Il n'y a pas de place près du feu. Et il n'y a pas non plus de feu. Il n'y a qu'une minute que je l'allumais. Assieds-toi sur cette table, là. » contre le mur, et tes jambes seront au sec. Et il faudra que je reste ici toute une heure, car tu seras bientôt ce temps avant d'en avoir fini. S'aventura-t-il à remontrer. Et une demi-heure de plus aussi. Voilà Betsy qui devra m'aider, et qui gambade depuis 7 heures. Tu m'as dit, tu sais, Tim, tu rentreras dès que l'atelier sera fermé et tu n'iras pas au cabaret. Tu sais que tu me l'as dit, répéta Timothée d'un ton plaintif. Et c'est fort heureux que tu sois rentré. Autrement, tu aurais entendu ma langue d'une façon qui ne t'aurait pas plu, répliqua Madame Cartier. Timothée soupira. Cette langue était l'épée à deux tranchants de son existence. Lui seul savait combien elle était à craindre. Il était monté sur la table, mais il en redescendit. « Après quoi t'en vas-tu maintenant ?» demanda d'un ton perçant Madame Cartier, qui était à genoux frottant les briques. « Je voudrais ma pipe et mon tabac. Reste où tu es » cria-t-elle impérieusement. « Il y a tant que j'ai le temps d'aller les chercher. » Et Timothée remonta humblement sur sa table. « Tu aurais dû faire ton récurage avant la nuit, Élisabeth, cria-t-il pour se donner un peu de courage. « Quand un homme rentre chez lui fatigué et affamé et qu'il n'y a pas de souper pour lui, il pourrait bien au moins avoir un peu de feu pour fumer sa pipe. Ça l'ennuie, tu comprends, de trouver sa cuisine toute sale comme ça, sans une place un peu sèche pour mettre le pied, et rien qu'une table qui bouge avec des jambes inégales pour s'asseoir dessus. « J'aurais pu le faire avant, » cria Madame Cartier. « Avant, quand avec cette paresseuse de Betsy, toute la maison me tombe sur les épaules et que je n'ai pu finir mes gants qu'à 5 heures du soir. » Et toutes les choses que j'ai faites depuis, j'ai nettoyé ma grille. À quoi sert-il de nettoyer la grille ? Demanda Timothée. L'imbécile demandait à quoi sert de nettoyer la grille, comme s'il était né d'hier. Est-ce qu'on peut noircir une grille quand elle est rouge, voyons ? Tu pourrais la noircir à un autre moment, hasarda-t-il, le matin peut-être. Oui, si je n'avais pas mes gants à faire, répondit-elle d'une voix tremblante de colère. Quand les gens prennent du travail, c'est pour le faire peut-être, et c'est encore fort heureux. « Où est-ce que vous en seriez si je ne gagnais rien ? Est-ce que nous aurions seulement un toit sur nos têtes ? Est-ce que vos 18 francs par semaine nous feraient vivre ? Tu n'es qu'un vieux coupeur, après tout. »« Tu n'as pas besoin de me le reprocher, Lisbeth, » dit-il en toussant légèrement. « Je n'étais qu'un coupeur quand tu m'as couru après. »« Lève tes jambes ou tu vas me salir mon bonnet avec tes bottes sales !» cria Madame Cartier, qui se rapprochait de la table. « Je resterai un instant sur le devant de la porte, » dit-il. « Je suis dans ton chemin partout. Reste où tu es et lève les jambes !» vociféra la dame, et le doux Timothée d'obéir. Fatigué et affamé, Timothée restait sur sa table, surveillant le lavage de la cuisine. Le feu ne donnait aucune chaleur et les briques ne séchaient pas. Il sortit son argent de sa poche et le posa sur la table pour que sa femme le prît à son loisir. Elle ne lui laissait pas la liberté de dépenser ses gages. Quelques minutes après, Madame Cartier se releva et alla dans la cour chercher un nouveau seau d'eau. Timothée n'attendit pas qu'elle lui en aspergeât une seconde fois les jambes. Il y glissa de la table, y prit une pièce d'un franc et sortit sans bruit de la maison. Madame Cartier rentrait, le seau débordant. « Tim, tu vas t'en aller chez Madame Buffle et m'acheter. »« Ah, ça me voit-il » Il n'était pas dans la cuisine. La chose était bien certaine. Elle ouvrit la porte de l'escalier de sa voix perçante. « Tim, veux-tu bien ne pas me crotter les escaliers avec tes bottes sales ? Tim Cartier, que je te dis, es-tu par en haut ?» Tim Cartier n'était pas là, car il n'eut jamais osé laisser cette voix terrible sans réponse. « Il aura affaire à moi s'il est allé dans quelqu'une de ces sales peintes, » s'écria-t-elle en ouvrant la porte et en regardant aussi loin que le permettait la lueur des réverbères. Mais Timothée était déjà hors de sa portée. Elle prit l'argent et compta. « 17 francs, un de moins. » Elle savait ce que cela signifiait. Elle lança l'argent sur la haute cheminée dans une boîte qui contenait son propre salaire et que le doux Timothée ne se fût jamais hasardé à toucher, quoiqu'elle restât toujours ouverte. En cet instant, Betsy rentra. Madame Cartier vira de bord. « D'où venez-vous, mademoiselle ?»« Là, mère, comme tu y vas. J'ai été seulement chez Cross. Vilaine paresseuse. Quand tu sais que j'ai tellement à faire le samedi que je ne sais pas où donner de la tête, est-ce que vous devriez aller courir comme ça ?» « Je vous mettrai pour tout de bon en service hors de la maison. » Betsy avait si souvent entendu la même menace qu'elle n'y faisait plus attention. Si sa mère avait eu avec elle le dixième de la sévérité qu'elle avait avec son mari, la jeune fille n'en aurait été que mieux. « J'ai seulement été chez Cross, » répéta-t-elle. « À quoi ça sert-il de me dire un mensonge ? Je suis allée chez Cross et vous n'y étiez pas, et vous n'y aviez pas été. Vous avez besoin d'une bonne rossée, mademoiselle. » « Si je n'étais pas chez Cross, j'étais chez Mason alors. » répondit imperturbablement Mademoiselle Betsy. J'étais chez Mason d'abord. Marc est rentré et s'est mis dans une colère parce que la cuisine était tout en désordre. Elle était à laver ses enfants au beau milieu Il a commencé à tempêter. Je les ai quittés pour aller chez Cross. Marc est descendu de la colline. Il reviendra gris. Est-ce qu'elle ne pourrait pas laver ses enfants avant qu'ils rentrent ? Demanda Madame Cartier, qui voyait la paille dans l'œil de ses voisines sans apercevoir la poutre du sien. Quelle misérable tenue ! Les enfants devraient être finis à 7 heures. Tu ne finis guère ton récurage plus tôt qu'elle, remarqua impertinemment Mademoiselle Betsy. Madame Cartier la regarda d'un air de colère. Moi, finir plus tôt ? Moi, qui travaille tous les jours de ma vie, du matin au soir ? Est-ce que tu oserais me comparer à cette grande fainéante d'Henriette Masson, qui ne sait pas même coudre une douzaine de paires de gants par semaine et qui tient sa maison comme une écurie ? Où est-ce que ton père et toi vous en seriez si je ne me tuais pas de peine ? Va-t'en chez Madame Buffle m'acheter un balai, mauvaise pièce, et puis tu reviendras essuyer ses chaises. » Betsy n'attendit pas qu'on lui répétât l'ordre. Elle préféra aller acheter tous les balais du monde que de rester à la cuisine pour écouter des gronderies. Son retour était une autre affaire. Il était même fort probable qu'elle se contenterait de lancer le balai dans la cuisine et de repartir après. Elle s'arrêta subitement, la main sur la porte. « Dis donc, mère, il va y avoir une réunion à l'Alhambra. » « Une réunion à l'Alhambra ? Avec la neige et la gelée ?» répéta ironiquement Madame Cartier. « Allons, on file !»« Mais c'est vrai !» insista Betsy. « Tout en effet, y va. Moi, j'irai aussi. Amélie et Marianne Cross auront des robes neuves et... »« Veux-tu bien aller m'acheter ce balai ?» cria Madame Cartier avec colère. « Aucun de mes enfants ne s'en ira à l'Alhambra pour y attraper la mort sur l'herbe humide. »« Sur l'herbe humide ?» répéta Betsy. « As-tu pu t'imaginer qu'on allait s'amuser sur l'herbe ? Ce sera dans la grande salle. » Il y aura un fifre et un temps. » Bourrin n'arriva jamais. Madame Cartier envoya son eau sale sur Betsy, et la jeune personne l'évitant avec dextérité sortit à la hâte. 2 heures plus tard, Timothée Cartier, ayant peine à marcher droit, rentrait chez lui accompagné de 2 camarades. Son escorte en avait pris plus que lui, mais il n'en fallait guère au malheureux Tim pour aller de travers. Madame Cartier le reçut. Permettez-moi de ne pas vous décrire la scène. Elle ne le battit pas positivement. Mais sa voix aigre s'entendit tout le long de Hanefer. En premier lieu, elle lui fit vider ses poches, il ne reste plus 1 centime. Et combien devez-vous encore ? Et c'est à peine si Timothée put lui répondre aussi humblement qu'un agneau dans les griffes d'un loup. 80 centimes. 1,80 francs dépensé en une soirée ! Cria Madame Cartier. Elle le secoua violemment par les épaules. Elle lui fit monter l'escalier plus vite qu'il n'y tenait, le laissant se coucher tant bien que mal sans lumière. Elle avait, quant à elle, encore quelques heures de raccommodage. Mais il ne vint pas une seule fois la pensée de Madame Cartier qu'elle seule était la cause des méfaits de son mari. Si à son retour de l'atelier il avait trouvé sa cuisine bien rangée, son feu bien brillant, Tim Cartier n'aurait pas plus songé au cabaret que vous et moi. Et si, comme Charlotte, sa femme lui avait préparé quelques plats savoureux, si elle lui avait adressé quelques paroles amicales, le pauvre Tim, dans sa reconnaissance, aurait juré ne jamais remettre les pieds au cabaret. Et quand le même soir, Mark Mason rentrait chez lui en trébuchant et que sa femme gronda avec Cruella à la plus grande édification de Hanefer, la dame n'eut pas non plus l'idée de se faire le moindre reproche. Comme l'avait dit Madame Cartier, Henriette Mason ne se fatiguait pas à l'ouvrage, mais elle s'était fait une loi de laver tous les samedis soirs ses 4 enfants dans un baquet, puis de nettoyer sa cuisine après. La cérémonie se retardait généralement jusqu'au moment le moins propice. Lorsqu'elle avait mis le baquet devant le feu, qu'un des enfants s'y tenait, un baquet, on le sait, a déjà peine à en tenir un, qu'un autre braillait pour qu'on l'essuyât, et que les 2 autres attendaient leur tour, tous les 4 nus comme la main, Madame Mason les déshabillant tous à la fois pour s'épargner la besogne, que les enfants criaient, que Madame Mason grondait, tapait, frottait et que la cuisine nageait dans l'eau, juste à ce moment entrait le père. Des paroles vives, une querelle courte et violente s'ensuivait, puis Marc s'en allait trouver le cabaret le plus voisin où des amis et un bon feu l'accueillaient. Qui sait si ces descriptions prises sur nature ne pourraient pas s'adapter à bien d'autres villages ?